Nervio tibial. Hay una rama sensitiva, que es el nervio sural. On détaillera, il y aura un deuxième cours sur le neural la fois prochaine. Voilà, on développera toute la partie plantaire, mais pour l'instant, on va rester sur les trois nerfs qu'on vous a proposés là. Hein, pour que vous commenciez à vous entraîner là-dessus, les territoires, il faut que vous le pratiquiez, hein, sinon ça ne rentrera pas. Donc le nerf tibial, il va passer ici au niveau de la malléole médiale. Le nerf tibial passe par detrás de la malléole tibial. C'est tout le paquet vasculo-nerveux tibial. Et de là, bon, il va se diviser en plein de nerfs qui vont aller sous. Gracias, la 5. Ça reste à la Donc, les territoires. On les a déjà vus, on a dit tout la plante du pied, mais on va quand même les séparer en territoires différents. Los territorios en la planta del pie vamos a ver que van a estar separados, van a estar esquemados, vamos a ver. Pour l'instant, il y aura un seul point, mais au cours prochain, il y aura des points sur chaque territoire. Ahora vamos a ver que solo vamos a desarrollar un punto, pero en nuestro seminario veremos que habrá diversos. Commencez à vous familiariser avec ces différents territoires. De esta manera, vous allez familiariser avec les différents territoires. Donc, un territoire en gros qui fait l'ensemble du talon. Hay un territorio que hace el conjunto del talón, todo el talón. Une partie plantaire latérale. Una parte de plantar lateral. Et plantaire médial. Y otra parte de la parte central, plantar medial. Et donc, le côté sural. El sural va a corresponder al lateral. Voilà, la partie toute latérale sensitive. La parte lateral sensitiva. Me estoy dando lo que dijiste en esta mañana, lo del lateral, uno corresponde al sural. Donc, le test qui va nous servir, puisqu'on a dit, c'est la loge postérieure. On veut étirer ce nerf, on va faire donc cette fois une flexion dorsale. El test que vamos a utilizar es el test de la flexión dorsal. Vamos a estirar el compartimento posterior. Et comme on veut bien étirer surtout la partie distale, on va rajouter une supination d'avant. Y como queremos estirar bien la parte distal, vamos a añadir una supinación de avant. Donc, les territoires, je ne les répète pas, on les a vus avant, hein, donc c'est les trois couleurs, là, le rose, le jaune. Aquí tenéis los tres territorios designados con los tres colores diferentes. La seule petite difficulté, c'est que là, il va falloir les étudier en conservant la tension. La única dificultad es que tenemos que estudiarlos manteniendo la tensión. Comme c'est le pied naturellement, il se met en flexion plutôt plantaire. Porque el pie de manera relajada se va a poner en una flexión plantar, por lo tanto no vamos a poder notarlo bien. Es por ello que tenemos que mantener una flexión dorsal. Donc voilà, donc toute la plante du pied plus la loge postérieure. Por lo tanto vamos a tener toda la planta del pie. Estos son los territorios del nervio tibial. Et le point, donc, le point il va être, on l'a vu, l'endroit du passage, en arrière de la malléole médiale. El punto va a estar detrás del malléole tibial. Et donc le muscle pour faire la sidération, ça va être le triceps sural. El músculo para hacer la sidération, flexion dorsale. Donc on demande une flexion plantaire contre résistance. Alors, avant de faire le TP final, je finis là le reste du cours et puis après ce sera le cours suivant. Donc je finis tout le cours et on fera de nouveau une petite pratique rapide pour un peu. Les va acabar el curso y entonces después acabaremos con una pequeña práctica rápida para después continuar con lo que va a pasar. Vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir compris le principe. Et puis en revoyant deux, trois fois, vous allez vous rappeler les territoires et les points. Lo que es importante es que hayáis entendido el principio y después que podáis ir entendiendo lo de los territorios y los puntos. Donc, pour CDR, on a vu là la partie la plus importante pour vous, la partie distale au niveau du pied, mais il démarre de plus haut. Para este nervio habéis visto la parte distal, pero tenéis que saber que también existen disfunciones, que puede partir la disfunción de más arriba. Notamment, donc, au niveau du genou, les nerfs fibulaires envoient des ramifications au niveau du genou. Sobre todo a nivel de la rodilla existen ramificaciones del nervio fibular común. Bon, mais ça, on développera un petit peu plus tard. Faut juste le savoir. C'est que dans les problèmes de genoux, ça peut être lié à un problème donc de fibulaire. Que sepáis que un problema de rodilla puede estar debido a un problema de fibular. Mais on peut généraliser encore plus. He dicho fibular especialmente. Vamos a generalizar un poco más. C'est qu'on peut très bien avoir un départ sciatique, donc départ sur le nerf sciatique, hein, puisque je vous rappelle tout ça, c'est ça fait partie du nerf sciatique. Habla del ciático porque todos estos nervios forman parte del ciático. Entonces, dice que tenéis que tener claro que podéis tener un inicio de disfunción a nivel ciático. Donc au niveau du pied, sur les branches qui va avoir une répercussion sur tout l'ensemble du corps. Sobre todo el conjunto del cuerpo. Et ce qu'on va voir, donc, on peut avoir quelqu'un de généralisé. Podemos tener a alguien que esté, generalizado. Avec un départ neural au niveau du pied. Con un, et si on traite ce point, on va voir que le patient est plus généralisé. Et si nous traitons à ce patient, ce point, réellement, se va à convertir en généralisé. Quand tu as dit que tu peux encontrer un problème, que tu vas disfuncer la rodilla, en le fibular, mais en la parte plus proche, donc à un peu, que tu vas la parte plus distale. No, ahora no pienses sobre ello, simplemente que lo sepas, que puedes tener un problema en la rodilla debido a un problema del nervio fibular. No lo habéis visto todavía. Peut très bien être résolu par un traitement au niveau du pied. Que puede ser resuelto con un problema, con un tratamiento sobre el pie. Oui, il faut dire, mais bon, là, pour l'instant, on voit que le pied, ça peut être aussi. Mais on ne peut pas bien donner une information. C'est juste pour vous montrer que, en fait, il ne faut pas être trop pris par l'endroit de la douleur. Esto es para que vosotros veáis, es un ejemplo para que veáis que no debéis pillaros y quedaros solamente con el lugar en el que se muestra la douleur. On peut très bien traiter au pied pour une douleur de genou. Podemos tratar muy bien un pie por un problema de rodilla. Y voir un genou peut-être de l'autre côté y encore un problema. O bien un pie, podemos tratar un pie por un dolor que vaya más allá. Là, c'est une étude qui a été faite. Alors, là, on a stimulé le nerf de manière électrique. Aquí lo que se ha hecho es una neurostimulación tibial. Là, on est sur le nerf tibial. stimulation électrique au niveau du pied. Esta estimulación eléctrica se hace en el pie, en la salida de la Les enclaves ont fait cette stimulation par rapport à un problème de vessie. Y esta estimulación se ha hecho por un problema de vejiga. Là, sur, c'est un côté médical, on traitait en neurostimulation le point médieux du tibial pour améliorer un problème vésical. Lo que se ha hecho es una neuroestimulación a nivel modal sobre el nervio tibial para arreglar, entre comillas, un problema a nivel de la vejiga. Son súper expertos, ¿verdad, Perine? Alors, donc, bien sûr, quand on est au niveau tibial, bon, bah, on est sur tous les muscles plantaires au niveau du pied. Entendéis bien que cuando hablamos del aspecto, hablamos del tibial, estamos sobre todo los músculos del pie. Donc, intrinsèque plantaire et également dans la cloche postérieure. Hablamos de los intrínsecos del pie y también a nivel Donc, justement, voilà, le solaire, lui, va se couper du côté antigravitaire, c'est ce qui nous tient debout. Et le muscle qui va être le plus pertinent pour jouer sur le positionnement, ça va être le co-fléchisseur des orteils. Et le muscle qui est plus capacitado para poder regular los ajustes posturales es el flexor torácico. Ça vous l'avez déjà vu normalement. Et donc on rappelle que on s'équilibre par rapport à notre support caudal, c'est lui qui va bouger pour que le centre de gravité bouge le moins possible. Os tenéis que acordar que Mais c'est le, donc le, l'appui caudal, enfin le support caudal qui va. Ce centre de pression caudal qui va bouger plus El centro de presión caudal se va a mover mucho más para que el centro de gravedad se mueva mucho más. Se ha ido mucho la traducción y yo me imagino. Qui explique que si j'ai un problème, par exemple, sur un nerf tibial qui est au pied, il va avoir une répercussion sur l'ensemble, puisque ça va compliquer la stabilité posturale. Donc voilà une petite schématisation. Donc. On a le nerf sciatique, son prolongement direct c'est le côté du nerf tibial. Et là, donc, on a le côté fibulaire commun qui se sépare en deux. Superficiel et profond. On a une petite vue pour que, par rapport à une vue en coupe, donc entre l'avant, l'arrière, latéral, médial. Donc vous avez les muscles et les nerfs qui apparaissent. Ah, donc ça, ça vous permet de vous rappeler où sont les points. Là, on a dit entre les deux tendons. Aquí os permite referenciar o tener una referencia donde están los puntos entre los dos tendones. Là, en avant et au-dessus de la malléole latérale. Qui est por delante y por encima del malléole lateral. Et là, en arrière de la malléole médiale. Y aquí es por detrás del malléole tibial. Et là, un récapitulatif. Donc vous lirez hein, avec les territoires, points de stimulation et les muscles référents. Donc, ce qui va nous permettre de nous orienter vers une dysfonction neurale. Ça va déjà le type de patient, est-ce qu'il est systématisé ou localisé. En sachant qu'on a dit un problème neural, ça a tendance à avoir une répercussion globale, donc ça va beaucoup chez les systématisés. Sabiendo que una disfunción neural puede provocar un sistematizado. Et bon, l'anamnèse, donc l'interrogatoire aussi, rappelez-vous le questionnaire, quand on commence à avoir des picotements, des volumes. Y acordaros de l'anamnesis con el questionario, el DN4, que os preguntaba sobre el mazón, los hormigueos, los pinchazos. Donc, prenons un exemple. Tomamos un ejemplo. J'ai un patient systématisé. Si tengo un paciente sistematizado, je fais donc l'évaluation neurale, c'est-à-dire c'est les trois mouvements qu'on a vus. Yo hago la evaluación neural, los tres movimientos que hago con los pies. Si jamais je trouve, donc avec les territoires, un nerf en dysfonction, je le traite. Si yo encuentro por casualidad que sea por casualidad, no lo veo. Yo encuentro que es positivo los test, entonces voy a ir a tratar el nervio. A ce moment-là, donc, je le traite et je refais le posturodynamique. Vuelvo a hacer los posturodinámicos a nivel del suelo, duro. Et là, il y a de fortes chances que le patient ait changé d'état. Entonces, es muy posible que el paciente haya cambiado d'etapa. Et c'est là que donc, vous allez réutiliser les protocoles que vous connaissez sur le nouveau état. En ce moment, vous allez en marche tout le protocole que vous connaissez. Si jamais il reste systématisé, c'est possible. Si pudiera quedar sistematizado, que podría ser. Eh bien, vous refaites comme vous l'avez fait en première année. Entonces, hacéis lo que vosotros habéis aprendido en el primer año. Ça veut juste dire qu'en fait, le côté neural est prioritaire. Es simplemente para que tengáis claro que el aspecto neural es prioritario. Sur le côté traitement par semaine. Sobre el aspecto, de las plantillas. Donc, quand il y a du neural, il faut le traiter en priorité. Cuando tenemos una parte neural, hay que tratarlo con prioridad. Donc, si on est chez un localisé. Si estamos con un localizado. On va s'intéresser là à ce qui se passe au niveau du podopelvien. Alors, on vous donne une petite, un petit élément supplémentaire pour suspecter un problème neural. Donc, normalement, en physiologie, translation droite, rotation gauche. Si es fisiológico, vamos a tener una traslación derecha, rotación izquierda. Hein, donc c'est la flèche là qui montre que on va vers la droite, ça tourne bien. Si ça tourne au début et pas à la fin. Si empieza a girar al principio y no al final. Ça oriente plutôt vers une dysfonction distale, vers le pied. Si c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça ne tourne pas au début, mais seulement à la fin, c'est plutôt une dysfonction proximale, donc plutôt au niveau du bassin. Et le neural, comme ça va bloquer l'ensemble, souvent on va avoir juste une translation, donc pas de rotation du tout. Si es un problema neural, vamos a encontrarnos con una translación. No va a haber un movimiento para nada, hay un bloqueo total. Et très souvent, ça va être une translation bilatérale. Des deux côtés. Lo que nos vamos a encontrar es una translación bilatéral. Donc voilà, là, c'est le questionnaire de nouveau, on passe, on l'a déjà vu. Este es el cuestionario de nuevo que ya hemos visto. Ça va. Alors, ce que je vous propose pour terminer, je vais vous refaire donc un résumé de la pratique avec les trois nerfs qu'on a vus. On va faire un résumé avec les trois nerfs que vous avez vus en pratique. Sur quelqu'un. Sur quelqu'un. Et après, vous pratiquez, essayez de le faire un petit peu dans le. Pour l'instant, pas forcément pour traiter, là, mais pour automatiser un peu, que ça devienne. Ok, tel territoire, c'est tel nerf, etc. Y lo que os propone es que él va a demostrar, ya podéis salir de una persona, ¿eh? Yo voy hablando, podéis salir de una persona. Que sea, le toca a la chica. Lo que os propone es que en la práctica vosotros toméis punto territorio para fijar los conocimientos, no para que sintáis. Es importante, una, en la práctica, por favor, ahora sí, no habléis. Hagáis pam, pam, pam, pam, pam, los tres puntos, o sea, los tres puntos con sus territorios correspondientes y cambiéis, porque queda todo lo de la tarde. Y si no, de aquí, lo del telepizza no era broma. ¿Vale? Siento que estoy en plan santito, pero es que de verdad veo que no va la voz, que la idea todavía tiene que dar el discurso. Así que. Mónica, ¿no podríamos hacer una práctica guiada que vosotros nos vayáis comentando lo que ustedes ponéis a mano? C'est dirigé pour le dernier. Oui, pour le dernier, on va faire ça. On va faire une personne et on va le rediriger comme je le fais. Alors, donc je reprends l'ensemble. Vous avez, c'est pas, il faut comprendre le principe, c'est pas très compliqué le neural, il faut juste le répéter plusieurs fois. No es muy complicado el neural, simplemente hay que repetirlo muchas veces. Donc on a trois mouvements à faire. Tenemos tres movimientos a hacer. Donc, j'étire en flexion plantaire. Yo voy a hacer una flexión plantar. Soit je teste donc pronation. O bien hago una pronación. Pour mon fibulaire profond. Para mi fibular profundo. Soit supination. O bien una supinación. Pour mon fibulaire superficiel. Et vous voyez là, mes mains, elles restent dans la même position. Y veis que las manos se quedan en la misma posición. C'est facile, j'ai bien en main, je n'ai pas besoin de force. No tengo apenas necesidad de aplicar fuerza. Ensuite, pour l'autre, donc c'est postérieur, donc cette fois. Para el otro, como es posterior, je viens en dessous. Lo que hago es ponerme por debajo. Je fais une flexion dorsale. Voy a hacer una flexión dorsal. Plus une supination. Donc je vais pousser ici sur la première tête métatarsienne. Ah, pongo mi pulgar a nivel de las caretas de las metatarsianas y provoco la supinación. Flexión dorsal, supinación. Parce que ce que je veux, c'est étirer ici. Là. Lo que yo quiero es estirar esta zona. Donc à partir de là, je vais voir quels sont mes suspects. Voy a ver cuáles son mis suposiciones. C'est une enquête de police. Es una encuesta de la policía. Peut-être va y avoir plusieurs suspects. Puedo tener varios sospechosos. Mais quand je vais aller trouver, chercher les territoires, je vais tomber sur un seul. Pero cuando voy a investigar los sospechosos, voy a investigar sus territorios, voy a quedarme con uno. Alors, donc je reprends. Si c'est le fibulaire profond. Entonces, vuelvo a tomar. Si es el superficial profundo. Les territoires, c'est quoi? ¿Cuál es el territorio? ¿Podéis responder? Par du haut vers le bas. De arriba para abajo. ¿Cuál es el territorio? Compartimento anterior. La parte anterior, la divide anterior. Loge antérieure. Compartimento anterior. Ensuite. Pedio. Pedio. Y ensuite. Espacio. Voilà. Donc, ce mouvement-là, ce territoire-là, et le point, il est entre les deux tendons. El punto está entre los dos tendones. Au niveau médial. A nivel medial. Deuxième nerf. Segundo nervio. Mouvement. Movimiento. Supination. Supination. Extension más supination. Je veux étirer cette partie-là. Voy a estirar esta parte de aquí. Territoire. Territorio. Loge latérale. Compartimento lateral. Ensuite. Dorsale du pied, ensuite. Yeah. Punto. Non, non, territoire. Ah, territorio. On n'a pas, c'est fini. Le point. Punto. Donc, voilà, malléole au-dessus et en devant de la malléole. Por delante y por encima del malleolo. À peu près, hein, et là je cherche par rapport à mon territoire. Bon, c'est bon, hein, ces deux-là, ça y est, vous les connaissez par cœur. Hein. Le dernier, bah, c'est tout ce qui nous reste, c'est-à-dire derrière et en dessous. El siguiente es todo lo que nos queda, detrás y por abajo. Donc, le mouvement, là, pour le mettre en tension. Le movimiento para ponerlo en tensión, es flexión, más territoire, loge postérieure. Territorio, compartimento posterior. Et tout le dessous du pied. Dans la planta del pie. Que l'on va séparer. Que lo vamos a separar. Talon. Talon. Partie médiale. Parte medial. Et partie latérale. Et parte latérale. Et pour le sural, on verra en détail plus tard. Et para el sural, lo veremos c'est la partie vraiment le bord latéral du pied. Veréis que es más bien el borde lateral del pie. D'accord. Donc, voilà. Et le point donc de stimulation pour. El punto de estimulación. C'est en arrière. Por detrás de la malléole médiale. Del malléolo tibial. Aquí vuelve a cantar el paciente, ¿eh? Cuando pones el punto. Donc, si je fais tout le tour pour les points, on va commencer par là. Ici, voy a hacer los puntos. C'est le nerf. ¿Qué nervio es este? Fibulaire profond. Je me décale en latéral. J'arrive. Sur la malléole latérale en avant, celle-ci, c'est le. Et je fais tout le tour pour revenir ici, hop, le tibial. Facile. Ok. On se le fait. On fait une pratique dirigée rapide pour que vous le fassiez en la main et après on enchaîne sur le cours suivant. Allez, c'est parti pour le test. Thank you. y la grabadora grabando. Siempre se me olvida. Y a mí igual. Al final de poner aquí al lado, hola. Claro. Hola a todos. Yo soy de Madrid, no me acuerdo. Pausa de 15 minutos. ¿Eh? Pausa de 15 minutos. Yo no sé que si la pillan en la grabadora, ya estaba en algo igual que cargarla, o lo que va a compilar. Claro, no compilas muchas. Si no sé. También es todo información. No, porque la carrera no solo y ahora te enteras. ¿Dónde estás? ¿No? Hay cambio. Hoy. ¿Cómo estoy hoy? ¿Ah, sí? ¿Han dicho el cambio? ¿Y dónde están los...? ¿Cómo? Cuando podáis durante esta tarde Thank you. aussi, hein, s'il y a des trucs. Thank you. Thank you.